Trop de marmite dans le rap, je rentre, j'opère, vaseline dans l'oreille. Je te laisse ma bite dans le crâne, je pisse dans le bail, les MC je les prends par dizaines. Les auditeurs niquez-vous avec votre rap, ta Walt Disney. C'est un appel aux frères, on va reprendre ça. On veut nous déraciner parce qu'on est rare comme des bonsaï. Et nique ta grand-mère, tu vas courir si tu me vois. Si je te nique et je le mets sur YouTube, poto, c'est pour que tu me crois. MC épargne-moi, des jeux de mots, c'est pas parce que tu prends le bus que tu me feras croire que tu démarres au cas. Balayette, gifle dans ta gueule, baisse tes yeux. Là j'ai la rage qui vient du sous de l'Essonne, qui vient de mon père, qui vient de la Hesse, qui vient du Hebs. Je vais vous faire perdre le titre. Vous allez me rincer comme quand je payais la télé tous les mercredis. T'es pas content, fuck. Ils insultent les mères si j'y vais pas. C'est pour pas qu'ils tu sens à Abondanter. Première insulte, paix, tiens dans ta mère. Toi continue à filmer, t'es fait ça avant que je te fasse la même. J'essaie d'être cool, je vous jure c'est vrai. Je respecte plus Camini que ces pétales qui font les mecs. Voilà, ils demandent à papa, maman pour payer le studio. Nous ça vient de la rue quand on rappe plus et que les techs nous sautent. Là j'ai été moi, y'a pas de mytho. Les Yankees appellent même quand on est derrière le micro. Pas de quoi se vanter, c'est juste une parenthèse. Le savoir est une arme pourtant. C'est toujours les démunis qui partent en guerre. Dieu est grand, d'autant plus grande sera la chute. Pour ça quand je passe à la barre, je fais un petit sourire à la juge. Car un jour, elle sera à ma place. Alors là, je vais être là, qu'elle comprenne mon petit sourire à la base. Ironie au paradoxe bizarre, j'ai une drôle d'humeur. Va comprendre, j'ai de la haine et elle sort du cœur. Je le rap, rien à voir avec ces merdes. Ils ont moins de choses à raconter en un an que moi en moins d'une heure. Je vis dans le noir, car je pète des câbles à haute tension. Et c'est quand je rappe, perds des kilos, c'est parce que je les donne dans le son. Pour toutes les pédales, si tu comptes sur les gens, écoute. Y'a qu'un pété qui peut accepter qu'un autre homme lui porte ses couilles. Allez tous vous faire foutre. Dans ce monde c'est comme en taux. On y arrive solo. On en ressort tout seul. Bras sur Google. Nico tu me trouveras pas. Après 2-3 jours de beurre gros, tu me trouveras pas. Tu veux un bout de taga, un bout de salade. Amène le papier manu ou bien bouche à la main. Zougou zougouli, si les thugs par la verre. Quand tes keufs sont venus pour moi mon rêve. Sauter par la fenêtre, c'est comme cette meuf qui me demande ma bulle tadja. Veux du hip tout ça parce que j'ai un peu de tec avec un accent de test. Hugo, j'ai la barre, les vœux crés sont en le. Hugo, j'foule j'veux le bien sûr que mon H me le ré la mise. Si t'es bonne on s'arrête à l'arrêt de ce gros. Si tu cliques sur j'aime pas, ta mère c'est la reine des buts. J'ai tout ramené à mon père, l'argent des diplômes et la police. J'ai parti des cerveaux de la rue, même les bourgeois m'applaudissent à 8h. J'avais cours à 6h, j'avais les miennes. 9-1-9-4, ouais Chico prends note. Ouais je prends note, bande d'enfoirés. On lâchera jamais, je te le dis jamais. Tant qu'il y a les couilles, j'annonce. Je suis un tigre qui tombe dans l'arène. Je m'arrête pas tant que j'ai pas gagné. Et si on s'embrouille, sois sûr qu'un de nous va canner. Bande d'enfoirés. Sur la 185ème avenue Ademo, NOS. Vous connaissez pas les boys. Niquez tous vos grands-mères. J'rappe pour les charclos et j't'emmerde. J'vous baisse tous en le-le, les jambes en l'air. 185 égaux.